Le but de ce cours est essentiellement de vous outiller dans cette technologie XML. Les objectifs du cours sont relativement simples. Il faut d'abord bien maîtriser la syntaxe. Il faut être capable de voir quels sont les coûts de développement du XML. Est-ce que tel projet prend 3 jours, 1 semaine, 3 mois? Pouvoir apprécier un peu les différentes possibilités de développement qui s'offrent quand on travaille avec le XML. Il faut être capable aussi, à la fin de ce cours, d'intégrer le XML dans un développement utilisant par exemple Orienté Objet. Il faut être capable de produire et de consommer des documents XML. Il faut maîtriser des techniques de programmation déclaratives telles que XSLT, les instructions CSS. Il faut être capable aussi, et ça c'est un objectif très important dans ce cours-ci, de communiquer sa compréhension du XML. Donc, dès le second module, on va vous demander d'écrire des textes, de participer à un forum, d'argumenter peut-être même, en trouver des avantages des techniques XML, ainsi de suite. Et puis aussi, c'est un cours, donc, comme le titre l'indique, c'est pas un cours de génie logiciel, même s'il y a beaucoup de programmation. Donc, un objectif qui a trait au RDF, qui est le Resource Description Framework, qui est donc un format de métadonnées, très important dans des initiatives comme le web sémantique, aussi dans le web 2.0, on parle ici de Creative Commons, FOF, ainsi de suite. Le contenu du cours est assez riche. Alors, le cours porte sur, bien sûr, le XML, le HTML. On revient un peu dans l'ancêtre du XML, le HTML. On va couvrir le XML, sa syntaxe, ses éléments, ses attributs, les identités, les documents bien formés, les documents valables, DTD. On va parler brièvement de XML Schema, RelaxNG, Schematron, Exemplotron. On va parler de vocabulaire XML, l'espace de nom. On va aussi couvrir le XML en tant que format de document, le XHTML, le SVG, MathML, Open Document Format et DocBook. Donc, on va aussi faire de la modélisation d'informations en XML. On va couvrir différentes technologies XML, donc XSLT, XPath, XLink, XPointer, XQuery, bien sûr CSS, tel que les objectifs l'indiquent, on va utiliser le XML à partir de langage orienté objet. On va couvrir le modèle objet XML, DOM. On va aussi, et ça a été ajouté récemment, parler d'asynchronous JavaScript and XML, AJAX. Et bien sûr, le sujet des métadonnées, puis le filtrage, la fusion et l'extraction du XML en Java. Le guide d'études comporte aussi une section problématique où tout le point de vue que le cours adopte sur le XML est traité. Essentiellement, ce qu'on y dit, c'est que le XML n'est pas une découverte informatique, mais c'est un phénomène social qui permet une flexibilité nouvelle et qui est une vision aussi de ce que sont les métadonnées et de ce qu'est le web. Donc ensuite, il y a les différents modules du cours sont présentés. Il y a 5 modules. L'introduction à XML qui comporte essentiellement la définition du XML et comment on arrive à travailler vraiment de façon basique sur le XML, comment on définit des schémas, comment on peut prendre 2 formats de XML et les mélanger en utilisant les espaces de nom. Le 2e module, que je considère très important, c'est le XML en tant que syntaxe pour les documents. Le module 3 porte sur les technologies XML, ce que j'appelle les technologies XML, donc XSLT, XQuery, CSS, XPath, ainsi de suite. Le module 4, c'est le traitement du XML en Java. Et le gros morceau, c'est le modèle DOM, Document Object Model. Et le module 5, c'est le module vraiment qui porte sur les métadonnées, où on va couvrir Dublin Core, Creative Commons, FOF, RSS, et ainsi de suite. Et donc, tout ça est lié, la colle de tout ça, c'est le Resource Description Framework. C'est un cours qui est entièrement en XML et il y a des activités d'auto-évaluation obligatoires à la fin de plusieurs des activités et elles sont réalisées entièrement en XML, donc c'est très important. Les figures, la plupart des figures sont en SVG, c'est le format XML, très important. Et puis, c'est ça. Donc, le cours, pour ce qui est de l'évaluation, il y a 5 travaux qui valent pour 60% de la note. Et puis, un examen en salle qui a une pondération de 40%. Nous avons eu beaucoup de plaisir à réaliser ce cours. Et puis, espérons que vous vous amuserez fermement.